طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عليه رحمة الله المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين. Donc là, on continue dans l'évocation des différents exemples d'ambiguïté qu'ont saisi les gens ou les adeptes de l'innovation pour essayer d'affirmer que les gens de la Sunna, eux aussi, ont interprété des textes du Coran et de la Sunna en se détournant des sens apparents des versets ou des hadiths. Donc on est dans le quatrième exemple. En ce qui concerne la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit « Thumma stawa ila sama ». Et ensuite, il s'est établi où il a eu l'intention, c'est-à-dire, ou plutôt il a visé, il a voulu créer les cieux. Tamam. Comme on va le voir, yani, Cheikh Al-Uthaymeen, il explique que les gens de la Sunna ont interprété ce verset ou ont expliqué ce verset de deux types d'explications. طيب قال أحدها أنها بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن أي علا عليهن وارتفع أي علا عليهن وارتفع. Donc le premier sens, ou du moins la première des paroles dans l'interprétation de ce verset, dans l'explication de ce verset, vise à dire que Al-Istiwa bimana Al-Ulu Irtafa, c'est-à-dire il s'est élevé. Thumma stawa ila sama. Ila huna, ila dans ce verset, il doit être interprété par ala. Thumma stawa ila sama, thumma stawa ala sama. Selon l'explication de certains mufassirin qu'a Ibn Jarir. Tamam. ونظر أصحاب هذا القول إلى دلالة الاستواء في أصل وضعه على لسان العرب فالاستواء في الأصل هو العلو والارتفاع فلما عدي بحرف إلى يعني ضمنوا معنى العلو فقالوا إلى هنا بمعنى على فهمتم؟ ساسي أصحاب القول الأول donc une partie des savants ont dit que ce verset là الاستواء هنا بمعنى a pour sens l'élévation الاستواء dans ce verset là a pour sens l'élévation, c'est-à-dire Allah s'est élevé au-dessus des cieux. Et quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus des cieux, ça n'implique pas ماذا قول المبتدعة أنه ما كان عاليا قبل استوائه. Ça n'implique pas que Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas élevé déjà, ou qu'il était en bas d'une chose, qu'il était en dessous du arche, ou qu'il était en dessous des cieux. Ça n'implique pas cela. Fahimtum ? Vous avez compris ça ? Limada ? Limada ? Pourquoi on ne peut pas dire ça ? On peut le dire d'une autre créature, on peut le dire d'une créature, mais pas du créateur. Limada ? Ça sous-entendrait qu'il y a une créature au-dessus de lui. Ouais, parce que c'est le plus grand, Allah Akbar. Ok, Dalek. C'est quoi la question du temps? Laisa kamith lihi shay. Fa al-istiwa alladhi nahnu yani madha nudriku jami' ma'ani huwa al-istiwa alladhi yaliq bil makhluqat. Amma istiwa Allah ala ma yaliq bihi. على ما يليق به فنثبته أما الكيف نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى فهمتم؟ نعم طيب قال على عليهن وارتفع نعم على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى هذا قول من ابن جرير قال وذكر الإمام البغوي في تفسيره قول ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر مفسري السلف وذلك تمسكا بظاهر اللفظ. Donc ensuite, l'imam al-Baghawi, il a évoqué la parole d'Abdallah ibn Abbas au sujet de l'explication de ce verset. Et la plupart des interprétateurs du Coran sont de cet avis-là. Que al-istiwa huna bima'na Ali al-ulu ayya annahu ala wartafa'a tamam na'am. Donc ces savants, eux, ils se sont arrêtés à ce qu'implique le sens apparent du verset. وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. Tout en tournant, en vouant exclusivement le savoir du comment était cet établissement au-dessus des cieux. Allah Azza wa Jal. Il n'y a que lui qui sait comment il s'est établi au-dessus de sa création. طيب هذا القول الأول. والقول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. طيب le deuxième avis des gens de science au sujet de ce verset est que l'istiwa هنا il a pour sens ماذا la volonté, c'est-à-dire Allah a ensuite voulu créer les cieux. ثم استوى إلى السماء, c'est-à-dire Allah a voulu créer les cieux, ou Allah a eu pour but de créer les cieux. فهمتم? Donc le premier, c'est il s'est établi au-dessus des cieux, et le deuxième sens, c'est-à-dire Allah a voulu ou a eu pour but de créer les cieux et la terre. Non. طيب. قال وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. Et donc comme on l'a vu dans les précédentes règles, on a vu que en arabe, on doit absolument calculer à la fois le mot, l'essence que le mot recèle, et aussi le contexte et la phrase grammaticale, comment elle est formée. La composition des mots, tout ça c'est important, tout ça c'est capital dans la compréhension des sens apparents des textes. Donc là, lorsqu'on lit, on fait le lien entre la parole, la particule « ila » et « alistiwa », ça nous donne le sens que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire « il a eu pour but ». Il a eu pour but. Taïb. Et ça, par rapport à deux points de vue. Tout d'abord parce que « madin », le verbe « alistiwa », il a été lié avec la particule « ila ». Et aussi, parce qu'en arabe, « alistiwa », yani « qad yusta'mal bima'na kamal shay ». Fahimtum ? Et aussi parce que le mot « istiwa » en arabe peut être utilisé pour désigner, c'est-à-dire la perfection d'une chose, lorsqu'une chose atteint son apogée. Fahimtum ? Kama fi qawlihi ta'ala wa lamma balagha ashuddahu wastawa. Ay kamula quwwatuhu. Oh, kamulat quwwatuhu. Fahimtum ? Donc si on regarde d'un sens linguistique, c'est correct. Parce que l'istiwa, parmi les sens, yani al-kamal, kamal ushay, tamam. Et aussi, si on regarde aussi du point de vue de la composition, c'est-à-dire qu'il a été lié avec la particule ila, c'est correct également. Et cela ne fait pas partie d'un détournement du sens apparent. Le sens apparent, il se comprend min khilal. Il se comprend avec l'addition de ces choses que je viens de vous évoquer. Fahimtum ? Donc, soit, yani, on prend al-qawl al-awwal, qui eux ont dit al-istiwa bima'na ala. Et pourquoi aussi eux, ils sont restés sur sur ce sens-là, là, les savants de la première parole ? Parce que c'est venu dans le Coran. Stawa ala arsh, ar-Rahman ala arsh stawa. Hein? Donc, pour eux, ils ont à la fois un dalil ou plusieurs dalil, adilla, dans le Coran, et aussi dans la langue arabe. Et ashab al-qawl al-thani, kadhalik. Donc là, on n'est pas dans une interprétation qui n'est fondée sur rien, comme l'interprétation des gens de l'innovation. Tamam. Mais on peut dire que les deux paroles des savants concernent le sens apparent du verset. Maintenant, si on doit choisir entre la première et la deuxième, on choisira laquelle, Yann Khouan ? La deuxième. Pourquoi ? Car ça colle plus avec le ma'rouf. Ça colle plus avec ce qui est connu. C'est-à-dire, ce qui est connu, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à quel moment il s'est établi ? Avant la création des cieux et de la terre ou après ? après la création des cieux et de la terre. C'est-à-dire, il était déjà élevé, mais le mot établi, l'istiwa, hada hasala ba'da khalq samawati wal ard. Donc là, si on dirait que il s'est établi au-dessus des cieux et de la terre, ça pourrait sous-entendre une forme de contradiction. C'est pourquoi Cheikh Al-Utaymiyyah wa kadhalika Cheikhuna Sa'id ibn Da'as alayhi rahmatullah wa alayhima rahmatullah, ils ont choisi la deuxième parole. Hein, qui est que l'istiwa huna bima'na ماذا بمعنى ماذا القصد نعم القصد التام. طيب ثم قال ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Ne vois-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans le verset, il dit « Aynan » une source « Yashrabu biha ibadullah »« Ibadullah » Taïb, « Ayn wajh shahid min al-aya » Harun. Pourquoi le Cheikh Al-Uthaymeen il est venu avec ce verset pour essayer de comparer le verset précédent, Summa stawa ila sama, avec ce verset-là. Aynan yashrabu biha ibadullah. Si, comment tu traduirais le verset yani, littéralement. Littéralement, c'est-à-dire mot à mot, comment tu traduirais le verset? Aynan, une source. Yashrabu, boire. On nous dit biha, هنا. Qu'est-ce que tu tarjimo? Biha, kalimat biha. Ha? Biha, هنا, il y a un aïn. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Le biha, هنا, il revient au aïn. Taïb? À la source. Une source qui, yani, ils boivront. Avec ou de. Hein? Le sens, si on, le traduit littéralement, ça serait avec. Biha. Ça serait avec. Mais là, yani, on est obligé de. Parce qu'on ne boit pas avec une source. Ça ne se dit pas, ce n'est pas correct. Ça veut dire que le sens apparent, là, il n'est pas qu'on dise oui, une source. Avec laquelle on boit. Non. Mais on dit une source de laquelle ils boivront. Même si c'est pas, on n'a pas, c'est pas employé minha. Il a dit biha. Fahimtum ? Lakin le sens apparent, tout le monde le comprend comme ça. Ou l'arab, yani, hakada, wujida. Min kalamin. Fahimtum ? Vous avez compris l'exemple là que Cheikh Al-Uthaymeen a pris ? نعم طيب قال حيث كان معناها يروى بها عباد الله لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. طيب نكتفي في هذا الدرس ونأخذ الدرس الثاني.